Voici un commentaire du journal coréen Rodong Sinmun en date de 23, sous le titre « L'écroulement et la ruine du pouvoir conservateur pro-américain sont la demande de l'histoire ». En voici le résumé. La bougie allumée par la population à la suite de l'affaire scandaleuse Bakune Chae-sun-sil, qui a bouleversé le monde entier, est transformée en plusieurs dizaines de jours en flambeau de la résistance de toute la population, couvrant entièrement toute la Corée du Sud, pour évoquer la traîtresse Bakune, démon sans pareil et foyer des malheurs hors pair de la nation, tout en serrant davantage la corde à son cou. En fait, le pouvoir de Bakune est un produit déplorable sans rival de l'époque et de l'histoire, qui avait conçu l'embryon de malheurs et de ruines avant sa naissance. Si les conservateurs sud-coréens, guidés par le Parti pour un nouveau monde et les États-Unis, étaient obligés de faire de Bakune la présidente, bien qu'ils savent très bien son immaturité et sa manie, c'était pour tromper l'opinion publique tout en alléguant la fille de Park Chung-hee, idole des conservateurs et la première présidente de la République, et parvenir au pouvoir à long terme des conservateurs pro-américains. La bande de Bakune a commis sans hésitation au cours de son mandat les crimes de haute trahison dépassant de loin ses prédécesseurs pour ainsi fossoyer elle-même sa tombe en profondeur et anticiper d'un an la fin de sa ruine lamentable. Le plus grand exploit du pouvoir de Bakune, c'est d'avoir transformé complètement la société sud-coréenne en celle de la dictature rénovée. Bakune a libéré au maximum la qualité particulière de prostituée politique afin de commettre sans vergogne même les crimes traîtres extravagants, de précipiter les rapports nord-sud dans les gouffres et accroître à l'extrême le danger de guerre dans la péninsule coréenne. Si les pouvoirs conservateurs sud-coréens ont pu subsister en dépit de leur corruption, incapacité et réaction, c'est que leurs suzerains américains et japonais, ainsi que les conservateurs privilégiés, les ont secondés de leur mieux. Toutefois, bien que presque 2 mois touchent à leur fin après le déclenchement de l'affaire, personne n'offre la grosse corde pour sauver le pouvoir de Bakune en agonie. Maintenant, la situation politique troublée de Corée du Sud aborde une phase nouvelle. Bien que nombre de résistances ont eu lieu sans cesse en Corée du Sud contre les dictateurs fascistes ces plusieurs dizaines d'années, c'est la première fois que des millions de gens ont allumé eux-mêmes les bougies comme cette année, sans égard à la région, à l'âge, au progrès, au conservatisme, à la classe et à la couche, pour conduire dans les gouffres les conservateurs au pouvoir par la lutte persévérante. La justice et la victoire dépendent du soutien et de l'appui du peuple. La ruine de celui qui se moque de l'opinion publique est incontestable. Voilà la vérité de fer et la leçon solennelle donnée une fois de plus à l'histoire par 2016 significatif qui a mis au clair le mal et le bien et qui a été caractérisé par multiples événements sensationnels.